بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد مرحبا بكم أيها الإخوة bienvenue chers frères فإننا في هذا اليوم لن نطيل aujourd'hui on va pas faire long inshallah تعالى لأننا سنكمل باب صلاة الكسوف. Aujourd'hui on va finir le sous-chapitre concernant la prière liée à l'éclipse. فيقول المؤلف رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال خسفت الشمس على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فازعا يخشى أن تكون الساعة. Selon Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu qui dit: il y a eu une éclipse solaire à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'est alors levé effrayé. Il s'est levé effrayé, craignant que ça soit l'heure, c'est-à-dire Yawm al-Qiyamah, le jour de donc la fin des temps. Hatta et al masjid فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. Et donc, jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aille à la mosquée et qu'il donc se tienne debout et prie, il accomplisse la prière la plus longue ou qu'il accomplisse la plus grande station debout avec aussi les plus grands rukours et les plus grandes prosternations, les plus grands recours, c'est-à-dire les plus grandes inclinaisons, ainsi que les plus grandes, les plus longues prosternations. Je ne l'ai pas vu faire cela, je ne l'ai jamais vu prier comme cela avant. Thumma qal inna hadhihi al-ayat allati yursiluha Allahu 'azza wa jalla takun la takunu li mawti ahadin wa la li hayatihi. Et ensuite il a dit sallallahu alayhi wa sallam: certes ces signes qu'Allah Azza wa Jal envoie ne sont pas là pour la mort de quiconque ou pour sa vie. Walakin Allah ta'ala yursiluha yukhawwifu biha ibadahu. Cependant Allah, il les envoie et il fait peur à ses serviteurs par ces signes. Fa idha ra'aytum minha shay'an fafza'u ila dhikrillah wa du'a'ihi wa istighfarihi. Et si vous voyez quelque chose comme cela, alors précipitez-vous, accourez craintif vers le rappel d'Allah, son invocation et implorez son pardon. Quand ذكرنا المسائل الفقهية المتعلقة بهذا الحديث, on a cité les sujets liés à la jurisprudence qui concerne ce hadith lors des cours précédents. Fait la da'iyah il a tikrar, il n'y a pas besoin donc de répéter. Wa fil hadith al-isharatu ila anna al-abd idha ra'a al-kusuf wa ghayrahu min al-ayat allati yukhawif Allah biha ibadahu fa innahu yubadiru khaifan ila ad-du'a'i wal-istighfar. لأن الذي يصيب الناس لا يكون إلا بما كسبت أيديهم. Et donc, il y a dans ce hadith l'allusion, ce qui montre que le serviteur, lorsqu'il voit l'éclipse ou autre signe qu'Allah tabaraka wa ta'ala envoie pour faire peur à ses serviteurs, alors le serviteur doit accourir, craintif, craindre son Seigneur et l'invoquer, lui demander pardon, car ce qui touche les hommes n'est que par la cause de ce qu'ils ont fait eux-mêmes par leurs propres mains. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Et ce qui vous a, tout le mal qui vous touche n'est que par la cause de ce que vous avez fait vous-même. Wa ya'fu an kathir. Et il pardonne beaucoup. Et il pardonne beaucoup. Et donc on voit aussi l'importance de l'istighfar, ayol ikhwan, l'importance du repentir, tout le temps demander pardon, tout le temps demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala. Fa antum tulahidun ayol ikhwan anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam هو الذي أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. Vous remarquez, oh chers frères, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui que Allah a envoyé par miséricorde pour l'univers. هذا هو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. C'est lui dont Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs. وما ذلك لما رأى هذه الآية قام فزعا. Malgré cela, le fait que Allah lui a pardonné ses péchés passés et futurs, lorsqu'il a vu ce signe, il s'est levé effrayé. Et donc il est clair qu'il faut qu'on se corrige, qu'on se soigne nous-mêmes. Car nous aujourd'hui on n'a pas peur. On n'a pas peur. Bel, ta'ammalu. Lao hasol el kusuf. Lao kasafet il shems. Ao khasafet. Feja e ahadun yeb ki khaifan. S'il y a une éclipse solaire et qu'il y a quelqu'un qui arrive à la mosquée, il pleure, il a peur. Il a peur de l'éclipse. Les gens vont se moquer de lui. Il a peur d'une éclipse. Allah Mustaan. Il a peur d'une éclipse. Les gens vont se moquer de lui. Pourquoi? Parce que nous, nos cœurs, ils sont malades. Il faut qu'on se soigne. Allah Tabaraka wa Ta'ala nous envoie des signes pour nous montrer sa puissance. Et nous, on rigole. Une fois, on m'a envoyé une vidéo. Une vidéo. D'un imam, il priait et il y a eu un tremblement de terre. Il y a eu un tremblement de terre. Et pendant la vidéo, on montre l'imam qui tient comme ça. Il essaie de se tenir debout et de continuer la prière. Et tu vois derrière lui, c'est panique totale. Panique totale. Combien de frères qui ont rigolé en voyant cette vidéo? Combien ont rigolé en voyant cette vidéo? Au lieu de te dire Subhanallah, Subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, le Tout-Puissant. Regarde comment la mosquée, elle bouge dans tous les sens. Au lieu de te dire Subhanallah, Allah Azzawajal nous a préservés. Il aurait pu faire en sorte que ça nous arrive à nous et que la terre, elle s'enfonce avec nous. Au lieu de se remettre en question, de revenir vers Allah Azza wa Jal, de demander pardon, on rigole. Parce qu'on voit les gens paniquer derrière. Pas même si c'est ton cas. Tu fais quoi? Tu rigoles. Et donc il faut qu'on se soigne, les frères. C'est bien de plaisanter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans certains hadiths qui est rapporté, qu'il plaisantait avec ses compagnons, comme avec Anas et d'autres. Mais le fait de trop rigoler, yumitul qalb, ça tue le cœur. Ça tue le cœur. Wa bi hadha al-hadith intahayna min hadha al-bab, avec ce hadith on a achevé ce sous-chapitre. Wa ba'dahu bab salat al-istisqa. Et après cela, après ce sous-chapitre, il y a le sous-chapitre concernant la prière de la demande de la pluie. Mais avant ça, comme le avant cela, avant de clôturer le cours, Inch'Allah, je voudrais juste qu'on révise rapidement quelques sujets importants, Inch'Allah Ta'ala. Awalan, nahnu ra'ayna fi ad-durus anna hadhihi as-salat ma huwa an-nida laha. On a vu durant les cours que cette prière, quel est l'appel à la prière pour cette prière-là, la prière liée à l'éclipse? As-salat al-jami'a. طيب الإشكال هل يكررها المنادي أو لا؟ Est-ce que cette parole, celui qui la prononce, il la répète ou pas? الصلاة جامعة. Est-ce qu'il le dit une fois? الصلاة جامعة. Non. Ou alors il répète plusieurs fois. Jusqu'à ce que les gens se rassemblent. أيوة. قال الإمام ابن باز رحمه الله. المقصود بهذا النداء هو الإبلاغ. Ce qui est voulu par cet appel, c'est le fait que les gens soient au courant, que ça y est, on va prier. فإذا غلب على ظن المنادي أن الناس قد سمعت فلا هو أن يتوقف. Et donc à partir du moment où la personne qui fait cet appel, il pense que ça y est, c'est bon, les gens ils ont entendu, alors il peut s'arrêter. Les savants ils nous disent particulièrement fi hadha az-zaman ma as-sayyarat wa ish fa yukarrir wa laysa hunak hadd ma'ruf. Et donc les savants disent à notre époque avec les voitures et tout le bruit qu'il y a à l'extérieur, il est bien donc que celui-ci il répète plusieurs fois jusqu'à ce qu'il soit sûr que tout le monde ait entendu et il n'y a pas de limite en cela. Il n'y a pas de limite une fois, cinq fois, etc. Il n'y a pas de limite. Mais c'est jusqu'à ce que la personne pense que ça y est, les gens ils ont entendu. Taïb, nous, on est en France. On est en France. Donc celui qui le fait, il ne peut pas le faire dehors. Il ne peut pas le faire dehors. Il va le faire ici à l'intérieur. On est d'accord. En sachant que Raliban, l'information, elle nous arrive avant. Attention à telle et telle heure, etc. etc. Et donc, on est là, les gens se sont rassemblés, ils sont tous là. Peut-être qu'il y en a qui sont à l'entrée, etc. Et donc, si on voit qu'il y a le coup souffle, ça c'est bon, il appelle. Ici, dans la mosquée, il n'y a pas besoin de répéter 30 fois. Puisque ça, on est déjà tous là. Et tu ne vas pas chercher à faire entendre ceux qui sont dehors. Tu ne vas pas chercher à faire entendre ceux qui sont dehors. Donc, il n'y a pas besoin de le répéter non plus trop comme quelqu'un qui fait cet appel pour ceux qui sont à l'extérieur. Parce que là, les gens seront ici, à l'intérieur, et ils attendent juste la prière, Inch'Allah Ta'ala. Tayyib, ذكرت العلماء الحكمة مسألة الحكمة في ذلك أي في تكرار الفاتحة في ركعة واحدة. Les savants ils ont abordé le sujet de la sagesse liée au fait de répéter la Fatiha dans une seule raka'a, dans une seule unité de prière. فقال العلامة ابن العثيمين رحمه الله فيما معناه أن الحكمة والله أعلم أن الله تبارك وتعالى شرع لنا هذه الصلاة على هذه الكيفية الخارجة عن المعتاد لهذا الأمر الخارج عن المعتاد. الله تبارك وتعالى nous a légiféré cette prière qui sort de l'habitude, c'est-à-dire que habituellement on va accomplir une prière avec une récitation pendant l'unité, un seul recours, une seule inclinaison, etc. Là, non. On va faire deux inclinaisons. On va réciter deux fois. Et donc là, la prière, elle a changé. Et elle n'est pas dans sa... Non, on va dire, non, on ne fait pas la même prière que d'habitude. Pourquoi ? Parce que la situation qu'il y a à ce moment-là aussi a changé. Ce n'est pas la même situation que d'habitude. Ici, on a une éclipse. Et donc, il dit, Cheikh, il dit... فَهَذَا أَدْعَى لِلْخُشُوعِ. Et donc cela nous appelle plus à nous concentrer et à craindre Allah tabaraka wa ta'ala durant la prière. Parce que l'individu ici, il se concentre sur le fait que subhanallah, à l'extérieur, les choses ont changé à l'extérieur. Il y a une transformation à l'extérieur. حَتَّى فِي الصَّلَاةِ, même dans la prière. فَهَذَا يَدْعُهُ عَلَى التَّرْكِيزِ. Cela va l'appeler à se concentrer. Même durant la prière, il ne va pas être à droite, à gauche, comme ça. Non, parce que là, même la prière, elle a changé. Elle n'est pas comme d'habitude. Rappelez-vous, on a vu, une fois, l'importance de changer les invocations. C'est pas tout le temps que tu fais les mêmes invocations du matin. C'est pas tout le temps que tu fais les mêmes invocations du soir. C'est pas tout le temps que tu fais les mêmes invocations dans la prière. Tu changes. Pourquoi ? Pour être concentré. Ça te permet d'être concentré. Et si tu fais tout le temps la même chose, bah, ton esprit, il part très rapidement. Et le dernier point qu'on verra, Inch'Allah Ta'ala, le jugement de Salat al-Kusuf fi waqt al-Nahi. Le jugement quant à la prière de l'éclipse durant un moment où il est interdit de prier. Comme maintenant. On est là, tous assis, après l'Asr, le téléphone il sonne, les frères, il y a une annonce éclipse solaire, tout de suite. Que avez-vous ? Au donatif, il n'y a pas. On fait quoi après l'Asr? On prie après l'Asr. Et donc, il y a deux avis des savants sur le sujet. Il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a anis-salati ba'd al-'asr wa ba'd as-subh. Certains savants voient que cela n'est pas permis. Pourquoi? Parce que c'est pas une prière obligatoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a interdit de prier après l'asr et après subh. Et donc on reste sur l'interdiction. D'autres savants, ils voient que non, yushra. Lima لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري أنه قضى صلاة نافلة بعد العصر. Car il a été affirmé dans صحيح البخاري que le prophète صلى الله عليه وسلم a rattrapé une prière après العصر, une prière surérogatoire après العصر. Et donc ici, il y avait une cause. C'était pas une prière qu'il fait comme ça. C'est une prière qu'il avait l'habitude de faire avant العصر. Il l'a rattrapé après العصر. Et donc les savants nous disent des prières qui sont liées à une cause, il est permis de les faire. Comme at-tawaf par exemple. Lidhalika ja'a 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fi jami' at-Tirmidhi annahu qala ya bani 'Abd al-Manaf, ya bani 'Abd al-Manaf, la tamna'u ahadan tawafa bil bayti wa salla ayyata sa'atin min laylin aw nahar. O bani 'Abd al-Manaf, n'interdisez à qui que ce soit qui fait le tawaf dans la maison sacrée, donc la Kaaba, autour de la Kaaba. N'interdisez à qui que ce soit qui fait le tawaf et ensuite qui prie de le faire à aucun moment, aucun instant du jour ou de la nuit. Vous ne l'interdisez pas de le faire. Pourquoi? Là, c'est une prière qui est liée à une cause. Il a fait le tawaf, après le tawaf, il y a les deux unités de prière. Et donc les savants nous disent, dès que c'est une prière qui est liée à une cause, al-istisqa, la demande de la pluie, al-kusuf, la prière de l'éclipse, al-istikhara, tahiyat al-masjid, la prière de salutation, etc. Toutes ces prières-là, on peut les accomplir donc, même dans le temps d'interdiction. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, et cet avis, c'est l'avis de l'imam al-shafi'i, rahimahullah, wa huwa ikhtiyar, et c'est le choix de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, wa kadhalika al-imamayn min al-ulama al-mu'asirin, et aussi les deux imams parmi les savants contemporains, al-imam Ibn Baz wa Ibn al-Uthaymeen, waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yardahu, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khayran.